Pourquoi à différentes époques, que ce soit à la fin de l'époque judéo-chrétienne, à l'époque de l'Empire romain, à la fin de l'époque grecque, pourquoi y a-t-il une resurgence d'une vision apocalyptique? Pourquoi l'homme se complaît-il arrivé à l'apogée de sa civilisation dans une espèce de sinistrose collective? Pourquoi est-ce qu'il a une vision eschatologique des temps, c'est-à-dire apocalyptique? Parce que l'homme est un être qui est directement lié et directement affecté par sa culture civilisation. Et quand une civilisation arrive à son terme, l'être humain a un sentiment de ce terme-là. Il a une perception de ce terme-là et il l'analyse ou il le comprend selon le mode de sa conscience à ce moment-là. L'homme, quand il fait partie d'une conscience collective, est assujetti au mode d'évolution, au mode de changement de cette conscience collective-là. Et lui, en tant qu'individu, sur le plan psychologique, sur le plan psychique, sur le plan du rêve, sur le plan d'intuition, il perçoit, il est en relation avec de l'information plus ou moins précise qui coïncide avec la fin de ce cycle-là, la fin du cycle de sa civilisation. Mais qui peut déterminer que la civilisation est à son apogée et donc proche de son déclin? Qui est-ce qui va le déterminer? Quels sont les facteurs qui permettent de le déterminer? Sinon, peut-être que, justement, les prophètes qui annoncent la fin des temps, est-ce que ce n'est pas le fait de prophétiser une fin des temps qui va l'amener? Non. Les prophètes vont prophétiser la fin d'un temps ou la fin d'une période ou la fin d'un cycle. Mais ce n'est pas parce que eux le prophétisent que la fin de ce cycle-là vient. Leur prophétie ou leur vision interne ou leur intuition ou quel que soit le mode de perception qu'ils ont d'une certaine connaissance coïncide avec l'éveil dans leur conscience d'une certaine réalité cyclique. Et ils annoncent dans le monde, ça fait partie de leur plan de vie, ça fait partie de leur activité, ça fait partie de leur mission souvent, d'annoncer dans le monde ou dans leur milieu ces événements-là. Et ces événements-là coïncident naturellement, de près ou de loin, avec ce qu'ils ont dit, parce que ces hommes ont des facultés extrasensorielles leur permettant de suivre de très près des mouvements historiques qui ne sont pas nécessairement évident à l'homme de la rue, qui ne sont pas nécessairement amenés facilement à une mesure chronologique. Mais ils le savent, ils le sentent. Et selon les prophètes, selon les individus, parce que les individus ont différentes facultés, et selon le statut universel de l'esprit de tel homme ou de tel homme, la prédiction sera de plus en plus précise. Donc, c'est un phénomène normal. La raison pour laquelle les prophètes ou les gens qui sont extrasensoriels prophétisent la fin de ces cycles-là, c'est pour aider l'homme à passer à travers ces cycles sans en être trop meurtri, sans en être trop affecté. C'est pour soulager la souffrance de l'homme, c'est pour soulager la difficulté qui est devant eux. C'est un aide spirituel, c'est un aide qui vient des plans spirituels vers l'homme. Et dans tous les cycles, il y a ceci. Ça existait avec les Indiens, quand Cortés est venu à Mexico. L'interprétation, elle était différente, elle n'était pas précise comme... les Indiens savaient, par exemple, que vers 1400 quelques... Quetzalcoatl devait revenir, le grand dieu blanc. Et effectivement, il est revenu, le grand dieu blanc, mais ce n'était pas le dieu blanc qu'ils attendaient de voir. Donc, la prophétie n'était pas claire. Et plus l'homme évolue, plus la prophétie peut devenir clarifiée, peut devenir exacte, parce que l'homme est beaucoup moins spirituel. Ce qui donne aux anciennes prophéties souvent une qualité symbolique un peu floue, ainsi de suite, c'est que les hommes sont très spirituels, donc le message, c'est-à-dire l'information qu'ils ont des plans spirituels, elle est reçue exactement comme ces plans-là la donnent. Et ils la donnent toujours en conformité ou en relation selon le mode de perception de l'homme, selon le mode d'entendement de l'homme. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un siècle, où l'homme est très avancé sur le plan mental, et où ceux qui sont extrasensoriels, surtout les plus avancés parmi ce groupe d'hommes sur la Terre, ils sont capables de réellement faire le partage des choses dans la prophétie. Donc la prophétie qui annonce la fin d'un cycle sera éventuellement beaucoup plus précise, pragmatique, beaucoup plus près de la réalité historique. Mais vous avez, et vous retrouverez encore le même phénomène, des hommes qui parlent de la fin d'un cycle, à moins que ces hommes soient un peu comme moi je suis. Dans ce sens, si on me demande, moi, de parler de la fin du cycle, de parler de certains événements vis-à-vis de la fin du cycle, moi, j'ai plutôt tendance à me taire. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas en prédisant la fin d'un cycle à des individus que nécessairement ces individus-là vont être exclus de ces conditions. C'est justement ils devront vivre la fin du cycle. Et moi, au lieu de parler de la fin du cycle, ou au lieu de prophétiser, si vous voulez, sur des événements, je vais plutôt avoir tendance à dire à l'homme, si l'homme est conscient, si l'homme se conscientise, si l'homme arrive, autrement dit, à posséder, contrôler les forces de sa vie, à travers son mental, et à travers sa volonté, à travers sa lucidité, à ce moment-là, quelle que soit la condition du cycle, il pourra passer à travers. Parce qu'il aura une conscience, c'est-à-dire qu'il aura une sensibilité autre qu'une simple sensibilité planétaire. Si nous expliquons des événements qui coïncident avec la fin d'un cycle, surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la situation n'est pas comme auparavant. Aujourd'hui, les gens vivent sur le bord de la névrose. Il y a beaucoup de tensions dans le monde, surtout dans le monde occidental. Moi, je ne crois pas. Dans le passé, oui. Dans le passé, que la fin d'un cycle, que la fin d'une période, d'une civilisation, d'une culture soit annoncée, d'une race, c'était bon parce que ça faisait partie d'un mouvement très, très restreint. C'était gardé dans des livres. Nous, aujourd'hui, nous avons quand même énormément d'histoire derrière nous. Donc, nous avons accès à ce que les Grecs ont dit, ce que les Romains ont dit, ce qui a été dit durant le Moyen-Âge, ainsi de suite. Nous sommes à la fin d'une très grande période. Mais dans ce temps-là, les gens ne vivaient pas d'une vie nerveuse comme aujourd'hui. Tandis qu'aujourd'hui, se faire taper sur la tête, se faire dire qu'il va se produire telle chose, telle chose, telle chose, pour moi, je ne considère pas que ce soit nécessairement bon. Parce que ça crée chez l'homme encore plus d'instabilité, plus d'incertitude, plus d'inquiétude. Ça ajoute à leur angoisse. Ça ajoute à leur angoisse. Collective. Donc, les prophéties modernes, les prophéties anciennes sont symboliques, elles sont voilées. Regardez les prophéties de Jean, ainsi de suite. Elles sont voilées. Bon. Mais les prophéties modernes qui sont moins voilées, parce que le langage a changé, ainsi de suite, je ne vois pas d'un bon œil qu'elles soient donner trop de précision, qu'elle soit trop avancée dans le public. Et si nous regardons, par exemple, le message de Fatima, il est très, très, très contrôlé par l'Église. Le Vatican se restreint énormément vis-à-vis de cette prophétie. Et je crois que c'est très sage. Ça, c'est un aspect. Sur le plan de la sagesse ou sur le plan de la restreindre. Je crois que c'est très bon. D'un autre côté, connaissant la nature des choses telle que je la connais, je sais très bien que les prophéties ou ce qui vient des autres plans peut être coloré. Peut être coloré intentionnellement pour donner un peu à l'homme de l'information, mais non pas suffisante information afin qu'il puisse savoir exactement ce qui va se passer et quand ça se passera. Et ça, ça fait partie de ce que j'appelle la loi du mensonge cosmique. Il y a des choses qui doivent être gardées, cachées à l'homme, tant qu'il n'est pas capable lui-même d'absorber le choc qu'elles représentent. Si l'homme n'est pas capable d'absorber le choc d'une prophétie, de la précision fatale d'une prophétie sur le plan collectif, à ce moment-là, ces lois-là sont applicables et elles font partie, d'ailleurs, ces lois-là, de la relation entre le mental inférieur de l'homme et les sphères. Lorsque l'homme sera très, très conscient, lorsque l'homme sera suffisamment conscient pour être absolument sûr que les prophéties ne peuvent pas l'atteindre, sur le plan de son expérience matérielle, à ce moment-là, il n'y aura plus de danger pour l'homme vis-à-vis de la prophétie parce que lui-même se sera protégé de la prophétie. Mais quels sont les sur la terre qui peuvent être absolument sûrs? Parce que être absolument sûr, ce n'est pas une attitude mentale, c'est un état d'esprit. Donc, quels sont les hommes sur la terre qui peuvent être absolument sûrs, par exemple, que le conflit possible, et je ne fais pas de prophétie, que le conflit possible, par exemple, entre l'Union soviétique et les États d'Amérique, serait un conflit qu'eux, en tant qu'individus, pourraient éviter. Alors, le phénomène de la prophétie, dans mon expérience publique, c'est un phénomène que je tiens beaucoup à l'écart, et même avec mes amis, je me retiens. Et mon épouse vous le dira, si on me demande des questions concernant telle chose, telle chose, telle chose, j'ai tendance à me retirer de l'arène. Parce que, pour moi, étant donné ce que je vis, la prophétie, si elle est expliquée aujourd'hui, d'abord, elle ne changera absolument rien à ma vie demain. Et deuxièmement, elle peut facilement générer dans ceux qui l'entendent une sorte d'enthousiasme ou une sorte de tension ou une sorte, selon la qualité de la prophétie. Et l'enthousiasme ou la tension que peut générer une prophétie, ce n'est pas bon. Ça... Regardez le phénomène de Fatima. Oui. Le phénomène de Fatima, s'il était expliqué par le Vatican tel qu'il est dans sa réalité cosmique, il bouleverserait la Terre. Non pas simplement sur le plan du message donné à l'homme, mais sur le plan de la réalité de Fatima. Sur le plan de la réalité du fameux soleil qui tourne, sur le plan de la réalité de la matérialisation, sous le signe ou la forme de la Vierge. Ah mais, qui est la Vierge? Pourquoi la Vierge? Pourquoi le soleil qui tourne? Tout le monde sait qu'un soleil, ça ne tourne pas. Donc, qu'est-ce que c'est, un soleil qui tourne? Ce n'est pas un objet céleste. C'est un système de transport. Donc, nous tombons dans le domaine de l'OVNI. Donc, nous tombons dans le domaine de l'échange, de l'expérience entre certaines intelligences qui évoluent dans certains espaces et l'homme. Nous tombons dans le domaine de l'expérience où ces intelligences sont capables de projeter, de matérialiser dans un espace matériel tel que le nôtre, une forme humaine qui, émotivement, spirituellement, est très près de l'homme. Et ainsi de suite. Et nous devons alors investiguer quoi? Nous sommes au stage d'investiguer la politique cosmique. Et la politique cosmique, pour le moment, c'est trop pour l'homme. Nous devons considérer qu'il y a des peuples, il y a l'Amérique du Sud, il y a des peuples encore très, très spirituels, très religieux, et l'équilibre de ces peuples doit être maintenu, et le Vatican aide dans cette direction, et je suis sûr que les gouvernements font de même. Donc, malgré tous les ébats des gens qui veulent que les gouvernements révèlent telle chose, telle chose, telle chose, que le Vatican révèle telle chose, ce n'est pas bon. Et c'est ça que nous devons comprendre dans le domaine de la prophétie. Nous devons comprendre que la prophétie, elle est là pour jeter un peu de lumière, un peu de clarté, beaucoup plus vis-à-vis ceux qui viendront après que vis-à-vis ceux qui vivent maintenant. Par exemple, si nous regardons les prophéties qui ont été données à l'homme depuis 2-3 000 ans, aujourd'hui, nous avons une séquence de ces prophéties. Donc, nous savons que dans telle période, certaines choses ont été dites, qu'elles n'ont pas été comprises dans ces périodes, mais qu'aujourd'hui, avec une certaine rétrovision, rétrospective, nous sommes capables de voir une sorte de linéarité, une sorte de conséquence, une sorte de joint entre ces prophéties. Donc, nous disons, ou nous sommes capables aujourd'hui de dire, mais écoutez, si les hommes ont été capables dans le passé de prédire l'avenir des événements et que ces événements se sont produits, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que simplement le plan mental, intellectuel, cartésien de l'art. Donc, ça nous amène à plonger un petit peu plus dans le domaine de l'intuitif, dans le domaine de l'extrasensoriel. Donc, ça nous amène à évoluer notre science cartésienne, matérialiste, logique. Et c'est pour ça, la prophétie. La prophétie, elle est là pour maintenir dans la vie de la conscience collective le soupçon, l'intérêt possible d'une relation subtile entre la vie purement existentielle ou existentielle ou matérielle de l'homme et d'autres plans, amenant ainsi l'homme à une conscience beaucoup plus subtile, beaucoup plus flexible, beaucoup plus intégrée, jusqu'au jour où l'homme, étant suffisamment conscient, n'aura plus à subir le choc de la prophétie, parce que les événements de la vie, les événements de l'évolution, seront plutôt progressifs, créatifs et dynamiques que destructeurs et retardataires ou expérimentales. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est le prix qu'il faut payer, si vous voulez, pour qu'il y ait cette manifestation, cette sensibilisation à l'invisible. Je veux parler des gens, des sacrifiés de la prophétie, les sectes millénaristes, les sectes apocalyptiques, etc. Ces gens-là, ces mouvements de foule, cette confusion que l'on voit naître aujourd'hui, cette peur, cette crainte qui va grandissante, je trouve que ça ne sert pas la prophétie, mais que ça la dessert. Plutôt l'homme, ça peut servir la prophétie, mais ça va desservir l'homme. Très juste. Ça sert la prophétie, mais ne sert pas l'homme. Ça ne sert pas l'homme. Ça ne sert pas l'homme dans ce sens que l'homme n'est pas suffisamment mûr pour que ça lui serve. Et ça fait partie de l'évolution. S'il n'y avait pas de prophétie, s'il n'y avait pas d'extrasensorialité, s'il n'y avait pas eu des miracles, s'il n'y avait pas eu dans l'expérience de l'humanité dans le passé des expériences qui ont permis à l'homme de sentir la conjonction entre le monde et l'invisible, aujourd'hui nous serions des êtres absolument matérialistes. Donc tous ces phénomènes servent à l'homme, seulement que l'homme est desservi par eux parce qu'il n'est pas suffisamment évolué. Mais par contre, ces phénomènes l'amènent lentement, graduellement, d'une façon difficile, à une évolution supérieure. Rendu à la fin du 20e siècle, rendu à la phase de la conscience supramentale, rendu à la phase de la réalisation des lois du mensonge cosmique, rendu à la phase de réalisation que la pensée de l'homme est manipulée par d'autres plans, rendu à la phase où l'homme commence à comprendre la réalité, donc sa réalité. À ce moment-là, le phénomène de la prophétie n'est plus négatif. Il ne retarde plus l'évolution de l'homme, il ne crée plus dans la vie de l'homme de stress. Au contraire, l'homme regarde la prophétie et lui-même, à ce moment-là, est capable de dire oui, ça va se produire, mais ça, non. Ou, il est capable de l'évaluer, la prophétie. Donc, la prophétie, il y a un certain nombre de probabilités, c'est un canvas très large, et l'homme est capable de dire oui, ça va, non, ça se produira pas, mais ça va se produire. Mais c'est parce qu'il est conscient. Je regardais dernièrement dans un journal la prophétie d'un certain bonhomme aux États-Unis qui a justement fait une étude du message de Fatima. Et le message n'étant pas totalement rendu au public, lui a voulu faire des entrées afin de jeter un peu plus de clarté. Et il y a des aspects de cette prophétie qui ne se produiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se produire. Pourquoi? Parce que les temps ont changé. Ce que l'homme comprendra éventuellement, c'est que la masse d'énergie sur une planète change constamment. Fatima s'est produite en 1917. Donc, en 1917, la nature, la conscience, l'équilibre politique, la situation politique entre les nations n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la situation est très différente et des aspects de la prophétie qui, dans ce temps-là, auraient pu éventuellement se manifester, aujourd'hui ne peuvent plus se manifester parce que l'énergie de la conscience planétaire a changé. L'énergie de la masse conscience planétaire a changé. Et c'est ça que l'homme conscient sait, c'est ça qu'il réalise, et c'est ça que l'homme inconscient spirituel ne réalise pas. Et elle est là la différence. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle les prophéties ne se manifestent jamais parfaitement comme on le... Il y a toujours des aspects, des contours qui sont flous. Et c'est juste pour cette raison qu'il faut prendre les prophéties avec sérieux, mais non pas sérieusement. Mais avec sérieux, mais non pas sérieusement. Avec sérieux veut dire contempler que ces prophéties réellement viennent de plans qui connaissent l'avenir. Mais sérieusement veut dire ne pas s'impliquer trop dedans sur le plan de l'émotion. Parce qu'elles ne se manifestent jamais exactement comme elles sont dites ou elles sont manifestées. Si les prophéties sont cosmiques, c'est-à-dire si ce sont des prophéties qui naissent d'un plan où l'information est réellement là pour créer dans l'humanité un changement d'esprit, à ce moment-là, il faut les prendre plus sérieusement. Il faut les prendre plus... plus comme étant un avertissement. Mais dans le mot avertissement, il y a déjà la probabilité que le fait ne se fasse pas. On avertit l'homme. On dit, si l'homme ne change pas son esprit, il y aura conflit terrible, où une grande partie de l'humanité sera détruite, s'il ne change pas son esprit. Mais s'il change son esprit, ah, il y a changement dans la masse d'énergie de la Terre, donc l'événement. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas prendre la prophétie trop sérieusement. Mais il faut la prendre avec sérieux, parce qu'elle vient de plans qui connaissent déjà l'avenir, qui manipulent l'avenir, qui sont en relation avec l'homme, ainsi de suite. Maintenant, l'avertissement de la prophétie, c'est bien souvent « repentez-vous, priez ». L'avertissement de la prophétie, il est toujours dans la mesure, ou à la mesure psychologique et spirituelle de l'homme. Oui. Vous comprenez? Ça ne fait qu'alimenter le complexe de culpabilité judiciaire. Très juste, très juste. Mais ça fait partie encore de l'évolution. Ça fait partie encore du travail de surveillance qui se fait à partir des plans supérieurs vers les plans inférieurs. L'homme, nous sommes aujourd'hui en 1984. Nous ne sommes pas en 1917. Donc, beaucoup de changements se sont faits dans la conscience sociale de l'homme, dans la conscience spirituelle, philosophique de l'homme, scientifique de l'homme, depuis 60 quelques années. Mais regardez où se situe la prophétie, ou le phénomène prophétique. Il est toujours en relation avec des gens simples. Toujours. Parce que les gens simples sont ceux qui sont les plus prêts à, sur le plan vibratoire d'abord, à vivre l'expérience. Et deuxièmement, sur le plan psychospirituel, à rendre cette expérience publique. À la propager. À la propager. Oui. Parce que les gens simples sont beaucoup plus facilement aptes à fanatiser une situation, c'est-à-dire à la répandre avec beaucoup d'émotions spirituelles. Et c'est justement pourquoi le message est donné à l'homme. Moi, je trouve que c'est un aspect qui est dangereux. Ça, c'est un aspect... Bon. Ça, c'est un aspect, vous dites, qui est dangereux parce que vous le regardez avec vos yeux, mais vous ne le regardez pas avec les yeux de l'homme qui a besoin d'être converti, entre parenthèses, à un état d'esprit plus spiritualisé. Vous comprenez ce que je dis? Vous n'avez pas besoin de la prophétie de Fatima pour changer votre esprit. Mais il y a des masses d'hommes dans le monde, il y a des gouvernements dans le monde, il y a des dictatures dans le monde qui ont besoin d'un changement d'esprit pour que se change la politique mondiale. Donc, la prophétie n'est pas pour l'homme conscient, elle est pour l'homme inconscient. Et elle est supportée par l'homme spirituel inconscient qui peut l'amener dans le monde et la divulguer, et surtout à travers un système comme l'Église catholique. Donc, nous devons comprendre dans la prophétie toujours un mode de propagation d'informations qui est nécessaire pour la transformation du taux vibratoire de la masse consciente ou de l'intelligence de la masse planétaire, afin de réduire les conflits qui sont en potentiel là. D'un autre côté, pour les hommes plus avertis, les hommes plus conscients, les hommes plus occultes, les hommes qui sont de plus en plus dans leur intelligence, cette prophétie convient à l'humanité, mais eux, s'ils sont dans leur énergie, ne seront pas touchés par cette prophétie, même si elle se produit. Donc, il y a plusieurs aspects que nous devons regarder si nous parlons de la prophétie. Il y a l'aspect de la politique cosmique, et je vous assure que la politique cosmique, c'est une politique qui est aussi réelle et concrète que la politique planétaire. Seulement que les enjeux sont très différents. Le jeu est absolument extraordinaire. Il faut être réellement conscient pour le voir. Et les lois qui sont empruntées pour la manifestation sur une planète telle que la nôtre, qui est encore au stade expérimental, autrement dit une planète qui n'a pas développé la conscience créative, les lois empruntées pour la manifestation sur le plan matériel, de certaines données, de certaines instructions cosmiques vis-à-vis la Terre, sont des lois qui sont toujours colorées par le mensonge cosmique, afin d'empêcher que la conscience planétaire, que la psychose s'installe dans la masse. Une masse d'hommes, une collectivité d'hommes, c'est comme un troupeau. Si le pape, aujourd'hui pour demain, annonçait la prophétie, ça créerait un choc. Et s'il expliquait l'aspect cosmique, cosmopolitique de la prophétie, ça renverserait tout ce qui existe aujourd'hui sur le plan des gouvernements et sur le plan de l'organisation mentale, des structures psychologiques de notre civilisation. Tout sauterait. Tout sauterait. Donc, heureusement que le Vatican n'est pas au courant des aspects cosmiques d'un plan de diffusion d'informations visant à l'évolution des masses et à l'évolution des rapports entre les sociétés, que le Vatican soit simplement conscient d'un message et qu'il reçoive ce message d'une façon spirituelle, qu'il l'interprète d'une façon spirituelle et qu'il le prolétise dans le monde d'une façon diplomate, avec diplomatie. Ça, c'est intelligent. L'aspect dangereux, c'est cet aspect de culpabilité qui va se développer chez l'homme, oui, et qui le pousse finalement à la destruction, en fait. C'est-à-dire que la culpabilité de l'homme... La destruction de ce qu'il a construit. Oui, mais la culpabilité de l'homme, c'est toujours une culpabilité hypocrite. L'homme va réaliser qu'il a fait erreur. L'humanité, les gouvernements vont réaliser qu'ils ont fait erreur dans certaines directions. Mais leur réalisation, elle est hypocrite parce que elle n'est pas fondée sur une conscience créative. Elle est toujours fondée sur une conscience réflexive qui met toujours en jeu la mesure du débit ou du crédit de leur nouvelle position. Pour qu'un gouvernement ou que les hommes affichent publiquement devant des millions et des milliards d'individus une erreur, ça prend énormément de puissance créative, ça prend énormément de cran. Donc, les hommes en général, les hommes dans le monde de la politique, rarement vont-ils avouer une erreur. Ou s'ils avouent une erreur, c'est parce qu'elle est tellement évidente, ces erreurs, qu'ils ne peuvent pas ne pas l'avouer. Donc, dans le domaine de l'évolution, dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'armement, dans le domaine de la balance financière des stocks d'armement échangés entre les nations, et ainsi de suite, c'est inouï ce que les gouvernements sont obligés de cacher afin d'empêcher l'homme, la masse, l'homme de la rue, de savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans les bureaux ou sur les terrains de golf. Et ça, ça fait partie de la vie politique de notre planète. Donc, si vous collez à ceci des prophéties, vous ne pouvez pas expliquer ces prophéties en fonction de leur réalité cosmique, vous pouvez les expliquer en fonction de leur réalité spirituelle. Ce que je veux dire, les gens qui ne sont pas capables d'avoir une explication réelle de la prophétie ont tendance à adhérer à cet élan prophétique-là et à hâter la destruction de ce monde. Moi, j'ai rencontré deux personnes aujourd'hui chez moi, deux jeunes, des étudiants de 16 et 17 ans, qui disaient « Ce monde-là ne vaut pas la peine d'être vécu. Cette civilisation est arrivée à son terme. Là, plus vite on va précipiter sa chute, plus vite on en sera libéré. Plus vite, de toute façon, quoi que ce soit qui le remplace, ça ne peut pas être moins bien que ce qui est aujourd'hui. Un monde de violence, de crimes, de permissivité, etc. » Donc, il y a déjà cet aspect-là, puis ils ont un élan prophétique. Et les sectes récupèrent ces gens-là, puis amplifient l'écho, le mouvement. C'est cet aspect-là que je trouve très dangereux. Mais même cet aspect-là, il fait déjà partie de la prophétie. Dans le sens que c'est un mal pour un bien. Ce n'est pas que c'est un mal pour un bien, c'est un mal... que l'humanité éventuellement souffre de grandes souffrances sur le plan de la prophétie, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'accumulation de mémoire, ça fait partie de la masse énergétique de notre planète qui doit être secouée. C'est normal. Mais ce qui compte, c'est que l'homme conscient, ou que l'homme se conscientise. Mais que l'homme se conscientise ne veut pas dire que l'homme se spiritualise. Si l'homme se spiritualise, il peut faire encore partie de cette masse de conscience planétaire qui, comme vous le disiez tout à l'heure, devient aigre et se retourne et remplit la situation. Et s'il y a une prophétie à l'origine de cette secte, ça devient une religion et on fait des prêtres, exactement. On baptise. Exactement. Et le mouvement qui doit être vécu, c'est que l'homme doit se sortir de cette condition. Que quelles que soient les prophéties dans le monde, moi personnellement et des amis près de moi qui sont conscients, nous sommes libres de cette prophétie. Nous savons, moi-même j'ai un certain savoir de ces prophéties, mais moi personnellement je ne vis pas en fonction de ces prophéties. Je connais les mouvements que je ferai lorsque certains temps seront venus, ainsi de suite. Et c'est ça que l'homme doit réaliser. Sinon, il va vivre une période vers la fin du cycle, qui sera très très difficile, parce que même si la prophétie n'est pas explicite dans la définition de l'événement, la prophétie, elle est là, comme une ombre, au-dessus de la tête de l'homme. Et c'est ça que l'homme doit comprendre. Il doit se sortir de cette condition-là. S'il ne sort pas de cette condition-là, mais naturellement, sa spiritualité va fanatiser sa rapport à la prophétie. Donc, éventuellement, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, des cultes vont le récupérer, ainsi de suite, et vous finissez par une guerre spirituelle, vous finissez par des conflits entre le monde spirituel et le monde matériel, ou des gens spirituels et des gens matériels, ainsi de suite. Mais ça fait partie de la prophétie. La prophétie, elle est embante dans ce sens que elle ne laisse pas beaucoup d'espace pour l'homme conscient. Mais pour l'homme conscient, elle n'est aucunement englobante. L'homme conscient a énorme espace vis-à-vis de la prophétie. Parce qu'il est conscient. Parce qu'il saura quoi faire lorsque tel événement passe. Donc, de mon point de vue, j'opte pour dire que des gens se servent de la prophétie pour fanatiser l'homme, pour le rendre nerveux, ainsi de suite. Je suis content, par contre, de la façon dont le Vatican a utilisé le message de Fatima, qui est une très grande prophétie, et malgré les reproches que font beaucoup de personnes vis-à-vis du Vatican à cause des nouvelles lois sur l'information ou la liberté d'information, je sais que ce que fait le Vatican aujourd'hui, c'est bien fait. Le Vatican doit retarder la publication de la prophétie jusqu'à la dernière minute. Afin réellement de se servir de cet outil final comme une situation pouvant changer probablement la situation mondiale. Exemple, je vous donne simplement un exemple. Regardons, par exemple, la position, je ne fais pas de prophétie, hein. Regardons possiblement le conflit entre les États-Unis et la Russie, disons, je ne sais pas moi, 8 ans, 1993, par exemple. Bon. Ces événements-là s'échelonnent, ils deviennent de plus en plus difficiles, et lorsque le Vatican sent réellement que vient un tête-à-tête offensif entre la Russie et l'Amérique, là, le Vatican peut se servir de la prophétie et laisser savoir à ces messieurs que les événements probablement coïncident avec cette prophétie. Là, ça peut changer, ça peut créer un nouveau mode. Ça, c'est ce que nous espérons. Vous comprenez? À ce moment-là, la prophétie devient un outil précieux diplomatique dans les mains du pape. Mais si la prophétie elle est manifestée avant, ou trop avant, quand l'événement viendra, il n'y aura plus de substance. Il n'y aura plus d'outil politique là, pour dire, écoutez, là, on a le papier. Parce qu'il faut considérer dans ce jeu, non pas les Américains, sont spirituels. Il faut considérer la Russie. Et la Russie, les Russes ou ceux qui font de la recherche dans le domaine du paranormal, ils sont beaucoup plus convaincus que le phénomène de Fatima est un phénomène d'ovni, de matérialisation, qu'un phénomène purement spirituel. Je parle de ceux qui sont à la tête du gouvernement. Ces gens-là n'ont pas de croyance religieuse, de croyance spirituelle. Le système l'a mis à terre. Donc, probablement, les Russes sont beaucoup plus près de la compréhension scientifique du phénomène de FEDMA que les Américains. Donc, pour eux, le phénomène de FEDMA n'a pas la même valeur que pour les Américains. Il y a toutes sortes d'aspects là-dedans. Toutes sortes. Est-ce que la prophétie fait partie d'une espèce de manipulation, du mensonge cosmique? Le phénomène de Fatima, à quel but? Les intelligences qui, si j'explique le phénomène de Fatima un peu à partir de mon point de vue, le phénomène de Fatima, c'est un phénomène cosmique, c'est-à-dire que ce sont des intelligences qui viennent de certains espaces, qui viennent vers la Terre et qui ont depuis très très longtemps veillé à l'évolution de l'homme. Et sachant où se situe dans la montée dentale, la Vierge étant très près du cœur de l'homme à cause de cette liaison historique avec le Christ, connaissant l'effet de la conscience religieuse et spirituelle christique sur la civilisation occidentale, ils se sont servis de la forme de la Vierge pour matérialiser devant ces enfants-là, à Fatima, un personnage qui pouvait coller à l'instinct spirituel de l'homme. Mais leur plan, leur raison, pour tout ceci, fait encore partie de la surveillance qu'ils ont de la Terre. Ces êtres s'occupent de la surveillance de la Terre jusqu'à temps que l'homme soit suffisamment évolué pour travailler directement avec eux et créer et former sur la Terre une nouvelle civilisation. Mais comme nous sommes à un âge où l'homme avance très rapidement dans le domaine de la destruction, ils sont obligés de venir pour utiliser, en parenthèse, une prophétie, c'est-à-dire un message, qui fait vibrer dans le mental de l'homme, les cordes de l'émotion spirituelle, et aussi agissent sur la crainte de l'homme. Ils sont obligés d'utiliser la crainte afin d'empêcher l'homme de se détruire. Mais ce n'est pas parce qu'ils font ceci que nécessairement l'homme empêchera qu'il existe ou qu'il vive un conflit probablement nucléaire. Mais ils sont obligés d'avertir l'humanité. Et la raison qu'ils sont obligés d'avertir l'humanité, c'est parce qu'ils aiment beaucoup l'humanité. Donc, ils insistent. Si vous avez un petit frère, vous lui dites, écoutez, Jean-Paul, fais pas ça. C'est dangereux de faire ça. Il va le faire quand même. À moins de bien vous l'écouter. Mais est-ce qu'il y a des lois qui les empêchent à ce moment-là de se manifester officiellement? Ah oui, ah oui. De pénétrer le plan fusil? Oui, il y a des lois. De rendre perceptible. Ils ne peuvent pas officiellement... rendre compte au gouvernement de leur réalité. Ils doivent toujours agir d'une façon ambiguë, subliminale. Sinon, s'ils venaient en contact avec nous, qu'est-ce qui se produirait? Toute évolution de la religion, les dieux, les ci, les ça, tout ceci s'effondrerait. Donc l'homme demeurerait avec rien. Vous ne pouvez pas penser au phénomène ouvri. De votre point de vue, vous devez toujours regarder le dénominateur commun. Et le dénominateur commun dans le monde occidental, ce sont les masses, les gens qui travaillent, les gens qui sont spirituels, les gens qui vont à la messe les dimanches, ainsi de suite, ce sont ces gens-là. Et ce sont ces gens-là qui doivent être protégés. Naturellement, ils ne pourront pas être protégés indéfiniment. Il y a la fin du cycle. Donc, la fin du cycle venant, des échanges seront établis d'une façon très graduelle, très très intelligemment orchestrée. Et éventuellement, l'homme pourra petit à petit absorber le choc de ceci. Un peu comme il a fait avec la télévision. Il y a des peuples aujourd'hui qui sont abasourdis par la télévision. La télévision, pour eux, c'est absolument extraordinaire. Pour nous, la télévision, il n'y a rien là. Bon, mais c'est la même chose avec le contact entre l'homme et d'autres intelligences. Donc, il y a une progression, le phénomène OVNI fait partie de cette progression, et dans le temps, il y aura l'accord, parce qu'ils ne sont pas intéressés à briser le moral psychologique de la race humaine. Est-ce qu'ils ont un lien avec le terrien, avec l'être humain tel qu'il est? Est-ce qu'il y a un lien? Une paternité? Il y a un lien évolutif avec le terrien. Il y a des hommes sur la Terre qui font partie des clans ou des mondes d'où viennent ces intelligences. Comment se fait-il qu'Einstein a dit que les extraterrestres ou extratemporels sont des gens qui sont partis de la Terre il y a 20 000 ans et puis qui viennent nous revoir? Comment se fait-il qu'il a dit ça? Einstein n'était pas suffisamment conscient pour interprétée. Donc, n'oubliez pas que Einstein, pour Einstein de dire ceci, déjà c'était beaucoup. C'est beaucoup. Donc, pour un physiciste de parler d'être extratemporel, c'est déjà quelque chose. Donc, mais pour un physiciste de parler d'être d'extratemporel qui viendrait de quelque part dans la galaxie, où nous savons que la vitesse de la lumière a une certaine qualité absolue, que ça prendrait des âges pour venir d'une place à une autre, pour un physiciste, c'était inconcevable. Mais pour un physiciste comme lui, de parler du lien entre des extratemporels et l'homme il y a 20 000 ans, c'était quelque chose absolument remarquable. Mais dans le temps, dans l'avenir, lorsque nous aurons réalisé d'abord l'expérience, lorsque nous aurons réalisé qu'il y a des hommes qui viennent d'un autre espace, qui viennent d'un autre temps, à ce moment-là, et que leurs sciences nous seront expliquées, nous verrons qu'effectivement, la vitesse de la lumière que nous connaissons change selon le plan où nous sommes. Donc la lumière n'est pas un facteur constant et absolu, elle varie. Et les lois de l'espace ne sont pas telles que nous les connaissons, pas plus que les lois du temps sont telles que nous les connaissons. Si nous changeons de monde, si nous sommes en relation avec d'autres mondes, nous sommes en relation avec d'autres lois. Et c'est l'explication de ceci qui permettra à la science demain d'absorber d'autres informations qui permettra à l'homme d'évoluer énormément sur le plan scientifique et sur le plan de la pensée. Mais tout ceci se fera dans un ordre, parce que tout ce qui est cosmique est très ordonné. Et c'est ordonné, c'est planifié, c'est programmé des siècles et des siècles et des siècles d'avance. Et lorsque vient le temps, tout tombe dans une catégorie d'événements qui convient à l'échelonnement naturel des conditions, de sorte que l'homme n'est pas trop choqué. Mais lorsque vient la fin du cycle, lorsque vient finalement le contact avec une race et les races d'origine, c'est là, à ce moment-là, qu'il y a un grand virement dans la civilisation. Ce qui n'est pas un danger, encore une fois, d'entrer dans une espèce d'attente messianique, d'attendre une aide de l'extérieur. Oui, il y a le danger de tomber dans l'attente messianique. Il y a deux façons de voir ceci. L'homme conscient de demain, le nouvel homme, aura lui-même les pouvoirs que prennent ses intelligences. Donc il y aura échange. Donc il n'y aura pas domination. L'homme est conscient, les masses qui sont encore en évolution, qui sauront de ce phénomène, de cette réalité, seront elles extrêmement affectées sur le plan politique, sur le plan de l'économie, sur le plan humain. Par ceci. Mais il y aura deux races d'hommes sur la Terre. Il y aura l'homme supramental, conscient, dans son intelligence, non influençable, intégré dans son énergie, qui pourra facilement travailler avec son intelligence, travailler aussi sur son propre plan. Et il y aura des masses inconscientes en évolution qui bénéficieront du contact entre l'homme, l'humanité et elle-même, mais qui ne seront pas conscientes de l'homme conscient qui est en évolution, qui est en mode de travail et qui directement, avec ses intelligences, installe sur la Terre une base scientifique pour l'évolution future. Donc il y a deux plans de conscience. Il y a l'homme inconscient et il y a l'homme conscient. Et l'homme conscient se conscientisera au fur et à mesure que le temps avancera. Ce n'est pas un phénomène collectif, la conscientisation. Donc il y aura 1, 2, 3, 4, 1000, 10 000, 15 000. Et au fur et à mesure que l'humanité avancera, les hommes conscients auront de plus en plus d'influence sur la Terre. Ils auront de plus en plus de pouvoir sur la Terre. Et ils travailleront avec des intelligences qui font partie d'une autre espace-temps, auxquels eux déjà sont déjà liés. Parce que les hommes conscients de la planète, les hommes aujourd'hui qui sont prêts à vivre sur la Terre, la fusion et l'intégration de l'énergie, ne viennent pas de la Terre. Ils viennent d'autres parties de la galaxie. Et c'est le fait qu'ils ont ce statut universel qui leur permet aujourd'hui, qui leur permettra demain de vivre l'intégration de l'énergie. Donc, lorsque nous parlons d'homme conscient sur la Terre ou du surhomme demain, il n'y a pas d'équivoque entre leur réalité cosmique et la réalité cosmique de ces autres êtres qui viennent vers la planète aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas d'homme conscient sur la Terre, et il est là réellement le point, s'il n'y avait pas d'homme conscient sur la Terre pour recevoir ces êtres qui viennent de notre planète, de la galaxie, l'homme de la Terre qui est aujourd'hui inconscient serait absolument dominé par eux, non pas parce qu'il voudrait le dominer, mais parce que lui s'assujettir à leur domination à cause de sa spiritualité. Et c'est ça qu'ils veulent éviter. Donc, il y a des hommes qui sont prêts aujourd'hui, qui seront prêts demain à comprendre, à être en contact télépathique, mental, éthérique, avec ces intelligences. Et de sorte que l'homme de la Terre, qui est insuffisant en évolution, sera protégé de la domination que lui-même s'imposerait à cause de son ignorance, justement parce que leur conscience sera le pont entre ces intelligences et l'humanité d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'évolution de la conscience supramentale, elle est si importante. Parce que l'homme conscient sur la planète ne peut pas être influencé par eux, et il ne peut pas influencer l'homme. Il est entre les deux. Il partage à la fois la lumière, et il comprend l'ignorance et les ténèbres. Et il fera passer à travers lui-même cette lumière pour que les ténèbres un peu se dissoudent, et qu'au cours des siècles, des futures générations, les races que nous connaissons, les nations que nous connaissons, s'éteignent dans leur barbarisme psychologique et qu'ils s'avancent lentement, mais individuellement, et à la fois collectivement, mais toujours individuellement, parce que le mouvement est toujours individuel, qu'ils s'avancent vers une conscience beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. Et ceci durera 2500 ans, jusqu'à la fin de la sixième race racine. Quelles sont les particularités qui permettraient à ce moment-là, au niveau de la conscience, qui permettraient ce contact-là? Les particularités de ou la différence entre cette... Qui permettrait le contact entre l'homme conscient et ses intelligences? Ça nécessite quoi? Mais l'homme conscient, à cause de son taux vibratoire, aura accès à l'invisible. Il pourra voir dans l'invisible, il pourra les voir. Il pourra communiquer avec eux, entrer en contact télépathique avec eux. Et plus, selon son niveau d'évolution, selon son taux vibratoire, selon ce qu'il doit faire sur la Terre, il sera en contact direct de travail avec eux, ainsi de suite. Il y a des lieux secrets sur la Terre. Il y a des endroits secrets sur la Terre qui ne peuvent pas, qui sont inviolables. Un homme ne peut pas entrer dans ces endroits parce qu'il n'a pas le taux vibratoire. Mais s'il avait le taux vibratoire, il pourrait aller dans ces endroits et il entrerait. Il y a des cavernes dans des montagnes qui s'ouvriraient à lui s'il avait le taux de vibration. Mais ces cavernes sont déjà habitées. Il y a déjà des intelligences qui travaillent dans ces cavernes. Il y a des laboratoires dans ces cavernes. Mais l'homme n'a pas le taux vibratoire pour entrer, percer à travers la paroi de ces montagnes. Donc, il n'est pas capable de passer de l'espace-temps matériel gravitaire à un espace-temps qui est totalement autre. Il est lié à la conscience de son corps. Il n'est pas lié à la conscience de son corps. Donc, plus l'homme sera conscient, plus il sera lié de la conscience de son corps, donc plus il aura accès au plan causal. C'est-à-dire à ce plan qui est directement relié à l'énergie qui est à la base même de tout ce qui est matériel. Et c'est sur ce plan que se véhiculent ces intelligences, que travaillent ces intelligences. Et pour eux, de passer d'un plan à un autre qui est inférieur, c'est très facile. Donc la matérialisation, elle est très naturelle pour eux. Ils peuvent donc prendre toutes les formes ou tous les symboles de matérialisation possibles, oui. pour correspondre avec les niveaux de conscience de l'homme. Oui. On a vu récemment en Italie des manifestations sur le toit d'une église, d'une vierge justement lumineuse. Oui. Ça a été photographié et publié dans le monde entier. Le phénomène a duré toute une nuit. Oui. Ils vont toujours choisir un symbole qui convient à la psychologie ambiante de la région. Probablement, s'il se manifestait à New York, il prendrait une autre forme. S'il se manifestait dans un pays communiste, il prendrait une autre forme. S'il se manifeste dans un petit patelin spirituel de l'Amérique centrale, ils vont prendre une autre forme. Et ils font ceci graduellement au cours des années, des années, des années. Alors l'homme conscient peut regarder ces différentes manifestations-là sans vibrer, en fait. Non, parce qu'il ne vibre pas, parce qu'il n'est pas attaché à la manifestation. L'homme conscient n'est pas attaché, n'est pas affecté, parce qu'il n'est pas fascinable. Et s'il y a le moindrement de l'enthousiasme dans la manifestation de ces phénomènes, si la personne est appelée à courir au-devant de ces choses-là, ou à vouloir les photographier, ou à les étudier, etc., il peut se rendre compte à ce moment-là qu'il est assujettissable. Oui, il perd de l'énergie. Il perd de l'énergie. Oui. Mais ça fait partie de son expérience aussi en même temps. Si on me disait, moi, mais écoutez, M. Bernard, il y a un ovni qui vient demain à tel endroit. Bon, je dirais, s'il veut me voir, tu es à la maison. Pourquoi moi, je vais me déplacer pour aller me souffler, faire 40 000 pour aller. S'il veut me voir, tu es à la maison. Parce que je suis d'enthousiasme. Mais l'homme, c'est l'homme, j'ai de l'enthousiasme, c'est normal, je comprends. Je parle de l'homme conscient. Je ne parle pas de l'homme inconscient, ou de l'homme spirituel, ou de l'homme ésotérique. Je parle de l'homme conscient. En conclusion, alors, derrière la prophétie, derrière la trame de la prophétie, il y a donc des intelligences qui veillent au plan d'évolution de la Terre. Mais leurs manifestations peuvent être interprétées de façon très différente, suivant que l'homme est plus ou moins conscient. Très juste. Et plus l'homme est conscient, moins il est assujettissable à cette trame. Parce qu'un jour, l'homme devra être suffisamment... C'est-à-dire qu'il y aura des hommes sur la Terre qui seront suffisamment conscients pour être sur le même pied d'égalité avec ces intelligences. Sinon, s'il n'y a pas d'hommes sur la Terre qui sont sur le même pied d'égalité avec ces intelligences, à ce moment-là, vous avez une race humaine qui est absolument dominée par ces intelligences, même si elles ne veulent pas être reçues d'une façon spirituelle par l'homme. L'homme est un être qui possède des mécanismes extrêmement primitifs. Extrêmement primitif. Il se croit très très intelligent. Mais il est encore très primitif. Le subconscient de l'homme a un pouvoir sur lui extraordinaire. Si jamais vous allez dans une foule, si jamais vous vivez des grandes foules, le phénomène de la grande foule, où vous avez un pape qui parle, où vous avez un Hitler qui parle, où vous avez un Mussolini qui fait sa démagogie, c'est absolument époustouflant ce que l'homme peut vivre en tant que masse. La masse, c'est la conscience animale de l'humanité. Donc l'homme qui se conscientise naturellement se libère de cette conscience de masse, et lorsqu'il regarde un phénomène qui fait partie de l'ordre cosmique, qui fait partie de la relation entre l'invisible et le matériel, autrement dit qui fait partie de la conjonction des différentes spatio-temporalités, à ce moment-là, il n'y a absolument rien d'éblouissant dans le phénomène OVNI ou dans le phénomène des matérialisations, dans le phénomène des rapports entre l'homme et d'autres plans, c'est normal. D'ailleurs, l'homme lui-même doit avoir accès à ces plans, un jour. Ça aurait eu au moins pour conséquence de faire progresser peut-être la science au niveau de développer des moyens d'investigation du phénomène. Oui, très juste, très juste. Avec toi, tout doit évoluer. Mais nous avons des habitudes primitives. Nous sommes très primitifs. Nous avons de l'émotivité. Nous avons une émotion qui est très, très engageante. Et nous sommes à la recherche. Nous sommes tous des fils de Socrate. Nous cherchons, nous voulons nous connaître nous-mêmes. Et ceci, toute cette attitude de nous connaître nous-mêmes, d'aller à la recherche de nous-mêmes, nous rend automatiquement assujettissable à un phénomène tel que le phénomène des ovnis. L'homme est encore à la recherche de lui-même. Imaginez-vous commencer à comprendre ou commencer à établir une relation mentale, psychologique, télépathique avec ses intelligences, comprendre le dessin cosmique de leurs interventions sur la Terre, comprendre pourquoi Fatima, quelles sont les dimensions internes occultes des cosmiques de Fatima. C'est beaucoup trop pour l'homme. Les hommes souvent reprochent aux initiés de ne pas parler assez. Les hommes sauront ou devront ou réaliseront un jour que c'est très bien que les initiés ne parlent pas trop. Ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas qu'ils sont silencieux. La preuve, c'est que je parle. Je m'ouvre à des gens, mais je ne peux pas m'ouvrir à des gens sur un plan comme je pourrais m'ouvrir à d'autres sur un autre plan. Ce ne serait pas intelligent. Il ne s'agit pas de bouleverser l'humanité suffisamment bouleversée comme elle est. Mais je vous assure que dans le phénomène de Fatima et dans la gestion politique du matériel diffusé vers l'humanité et dans l'ordre et dans la grandeur du plan, il y a des choses à faire tourner beaucoup de têtes. Il y a à déspiritualiser beaucoup de clercs. Si les clercs, si ceux qui sont à l'intérieur d'une organisation ecclésiastique savaient exactement qu'est-ce que c'est Fatima et sortiraient de l'Église, il n'y aurait plus de fondation spirituelle suffisamment élogieuse pour leur permettre de continuer à entretenir un lien spirituel avec une dimension qui n'est absolument pas spirituelle, mais qui est totalement cosmique, travailliste, organisatrice, gouvernementale, intermondiale. Il y a dans le cosmos trois étapes, le matériel, le spirituel et le réel. Lorsque le matériel et le réel entrent en jeu, le spirituel est apte. Le spirituel a servi pendant l'évolution. Il a été le pont permettant à l'homme de passer de l'état primitif à l'état un petit peu plus civilisé. Mais Jamais l'homme entrera en contact avec le cosmique sans avoir complètement fait sauter la partie divine. Le pont un jour doit sauter. Mais où va-t-il sauter? Il ne va pas sauter sur le plan collectif. C'est pour ça que l'Église, elle est très importante, là. Il va sortir, sauter sur le plan individuel. Donc, ce sont des individus tels que moi, tels que vous, tels que d'autres, qui ne vivront plus du besoin du pont entre le matériel et le cosmique. Et quand il y aura unition, harmonie, intégration entre le matériel et le cosmique, vous aurez complètement une nouvelle civilisation. Merci beaucoup.